إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on va donc voir dans l'assise d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, le premier des annulatifs de l'islam mentionné par l'auteur, le Sheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Il a commencé cette épître en disant: I'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. L'auteur, rahimahullah, il a commencé cette épître par « sache » et « alam ». Et nous avons déjà vu, lors de notre étude des trois fondements, que ceci a pour but d'attirer l'attention du lecteur et d'attirer l'attention de l'étudiant. Car ce qui va lui être exposé par la suite, comme science, est d'une grande importance. Il dit donc « sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10 ». Nous avons vu dans le cours précédent ce que désignent ces termes. Qu'est-ce que sont les annulatifs de l'islam? Et on a vu également l'importance pour le musulman et la muslima de les apprendre, de les comprendre de façon correcte, et ce afin de ne pas tomber dedans sans le savoir. Et l'auteur, rahimahullah, il mentionne ici que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Et la question qui se pose est pourquoi l'auteur, rahimahullah, a-t-il restreint ici le nombre des annulatifs de l'islam à 10. En effet, quiconque consulte le chapitre de l'apostasie dans les livres de jurisprudence, il verra que les annulatifs, ils sont bien plus nombreux que cela. Certains parmi les gens de science en ont même mentionné près de 400. L'auteur, rahimahullah, il a donc certainement voulu ici une des choses suivantes. La première, c'est que ces 10 annulatifs, ce sont les plus dangereux et ceux dans lesquels les gens tombent le plus souvent. Il a d'ailleurs fait allusion à cela à la fin de cette épître lorsqu'il a dit « Ils font tous partie des choses les plus dangereuses et les plus souvent commises. » La deuxième raison est que ces annulatifs qu'il a mentionnés, ils sont unanimement reconnus comme tels par les savants. Les savants, ils n'ont donc pas divergé quant au fait que ces annulatifs qu'il a mentionnés, ils annulent entièrement l'islam. Cheikh Sulayman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, a dit « Les gens de science ont mentionné les annulatifs de l'islam. Certains d'entre eux ont mentionné qu'ils sont près de 400 annulatifs. Cependant, ceux sur lesquels sont unanimes les savants sont ceux qu'a mentionné Cheikh al-Islam, et il vise par cela l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. La troisième raison est que certains savants ont mentionné que ces annulatifs-là, ils sont la base des autres annulatifs. Et tous les autres annulatifs reviennent à cela, comme l'a mentionné le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Enfin, la quatrième raison, il est possible également que l'auteur n'ait cité ce nombre qu'à titre d'exemple et non dans un but de les restreindre à ce nombre. Et ceci est courant dans la langue arabe, le fait d'utiliser un chiffre et ce afin de faciliter à l'auditeur et à l'étudiant la mémorisation de ces choses-là, comme on l'a déjà vu dans les trois fondements, ainsi que dans les quatre règles. Il dit ensuite, rahimahullah, al-awwal ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala. Le premier est l'association dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier des annulatifs de l'islam mentionné par l'auteur, rahimahullah, est donc l'association. Et nous allons étudier cet annulatif en traitant différentes questions. La première question est pourquoi l'auteur a-t-il commencé par le shirk? L'association. L'auteur, rahimahullah, a commencé par cet annulatif, car le shirk, l'association, est le plus dangereux des annulatifs et le plus courant. Également, c'est le plus grave des péchés. En effet, on trouve dans les deux recueils de hadith authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé et on lui demanda, « Quel est le plus grave des péchés ?» Il répondit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « C'est que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Également le shirk, l'association ou le polythéisme, c'est le plus grand des péchés majeurs. Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, rapportent d'après Abi Bakr, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous informerai-je donc pas au sujet des plus grands des péchés majeurs ?» Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ils répondirent alors « Mais si, au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Donnez des associés à Allah, la désobéissance aux parents, etc. » Et il commença donc dans ce hadith par le shirk, par le fait de donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, il a donc commencé par le shirk pour ces raisons-là, ainsi que d'autres points que nous allons voir, comme le fait que le shirk majeur, l'association majeure, annule toutes les œuvres, qu'il n'est pas pardonné si la personne meurt sans s'en repentir, que le paradis est interdit à son auteur s'il meurt sans s'en repentir, et d'autres méfaits du shirk qui sont très nombreux. La deuxième question que nous allons voir est quelle est la définition des termes suivants ? Al-ibada, l'adoration, et al-shirk, l'association. Al-ibada, l'adoration, comme nous l'avons déjà vu dans des cours précédents, c'est un nom qui englobe tout acte et parole, apparent et caché, qu'Allah aime et agrée. C'est un nom qui englobe tout acte et parole, apparent et caché, qu'Allah aime et agrée. Et ceci est la définition qu'en a donnée Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il y a donc différentes sortes d'adorations. Il y a des adorations qui ont lieu avec la langue, il y a des adorations qui ont lieu avec le corps, et d'autres qui ont lieu avec le cœur. On a déjà vu cela lors de notre étude des trois fondements. Certains ont mentionné également que l'adoration, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a légiféré. Ainsi, lorsqu'on dit que l'adoration, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah a légiféré, cela exclut le fait de se rapprocher de lui parce qu'il n'a pas légiféré, comme les innovations. En effet, l'adoration, pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est indispensable qu'elle soit légiférée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, quiconque instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors ceci est rejeté. Et dans une autre version rapportée par Muslim, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. Donc l'adoration, pour être acceptée, elle doit remplir deux conditions. La première, c'est qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute œuvre qui ne remplit pas ces deux conditions, alors c'est une œuvre rejetée. Ceci concerne donc la définition de l'adoration. Quant au shirk, l'association, c'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'association, elle n'est pas restreinte à l'adoration des statues. Mais ceci n'est qu'une des différentes sortes d'associations qui englobe l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cet autre soit un djinn, un ange, un homme pieux, qu'il soit mort ou vivant, ou même un prophète, et nous avons déjà vu cela en détail lors de l'étude de la troisième règle de l'épître Al-Qawa'id Al-Arba', les quatre règles. Le fait que l'association ne consiste pas seulement à l'adoration des statues, mais elle est bien plus large que cela. Elle consiste à vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit. Et l'association, elle se divise en deux catégories. Et ceci est donc la troisième question que nous allons voir. Quelles sont les catégories de l'association? La première catégorie, c'est le shirk al-akbar, l'association majeure. Et la deuxième catégorie, c'est le shirk al-asghar, l'association mineure. L'association majeure, elle consiste à vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu. Son auteur, il sort de l'islam, et s'il meurt sur cela sans se repentir, alors il demeurera éternellement en enfer, et le paradis lui sera interdit. Et toutes ses œuvres sont annulées. Même s'il prie la nuit, qu'il jeûne le jour, mais qu'ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble de ses œuvres sont annulées. Ceci concerne donc l'association majeure, Ash-Shirkul Akbar. Quant à l'association mineure, c'est tout ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna comme étant de l'association, mais dont les preuves nous indiquent que son auteur ne sort pas de la religion. Ou en d'autres termes, certains ont dit, c'est tout ce qui est interdit par la législation. Parmi les choses menant au shirk akbar, parmi les choses menant à l'association majeure et qui ont été appelées shirk, qui ont été appelées association dans les textes, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna. Et parmi les types d'associations mineures, il y a par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par autre qu'Allah, il a certes mécru ou donné des associés. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, At-Tirmidhi et Abu Dawud, rahimahumullahu ta'ala. Ceci donc est dans le cas où la personne jure par autre qu'Allah sans vénérer celui pour qui il jure, comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le font la plupart des gens lorsqu'ils jurent par la tête de leur mère ou de leur père, ou qu'ils jurent par la Kaaba, ou autre chose parmi lesquelles il ne nous est pas permis de jurer. Mais celui qu'il veut jurer, alors qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, si la personne jure par autre qu'Allah, en vénérant cet autre, comme on vénère Allah subhanahu wa ta'ala au plus encore, en ressortant pour lui de l'espoir et de la crainte, alors dans ce cas, ceci est de l'association majeure, et c'est bien souvent le cas chez ceux qui jurent par ce qu'ils appellent les saints ou les awliyas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Également parmi les types d'associations mineures, il y a l'ostentation. Celle au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. » Il a d'ailleurs été interrogé à ce sujet et il répondit « C'est l'ostentation. » Et l'ostentation, c'est par exemple le fait que l'homme, il embellisse une adoration lorsqu'il sait qu'on le regarde ou qu'on l'écoute. Ou alors qu'il recherche par une adoration les compliments ou les éloges des gens. Si cela lui vient pendant l'adoration, mais qu'il le repousse et qu'il revient à la sincérité, envoie un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela ne lui nuit pas, inshallah ta'ala. Cependant, s'il persiste sur cela, dès le début de l'œuvre, alors cela annule son œuvre. De la même manière, si cela lui vient au cours de l'œuvre et qu'il persiste sur cela et qu'il ne le repousse pas et ne le rejette pas, alors son œuvre est annulée, comme l'a mentionné l'éminent Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala. Et il y a d'autres détails sur ce sujet, sur le sujet de l'ostentation, que l'on verra peut-être, inshallah, lors de notre étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et j'ai aussi une série de cours au sujet de l'ostentation qui sera prochainement publiée sur le site bi'idhnillah. L'homme, il doit donc vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit rechercher par ses œuvres que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure de l'au-delà qui est le paradis. Et tu ne dois pas être négligent. Tu ne dois pas te dire que l'association mineure n'est pas quelque chose de grave. Non, car ceci est le plus grand des péchés. Après l'association majeure, il n'y a pas un péché plus grand que l'association mineure. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le fait que je jure par Allah en mentant est préférable pour moi que de jurer par autre que lui en disant la vérité. Subhanallah. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'est-ce qu'il veut nous démontrer à travers cette parole? Le mensonge, il fait partie des grands péchés. Cependant, ce péché, il est moins grave que l'association mineure qui consiste à jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a dit « Je préfère jurer par Allah, vouer un culte exclusif à Allah, en mentant, en commettant ce grand péché, plutôt que de jurer par autre que lui, en faisant de l'association mineure et en disant la vérité. » Ceci nous montre donc la compréhension que les salafs et à leur tête les compagnons radiyallahu ta'ala anhum avaient de ces questions, les questions liées au tawhid et les questions liées au péché. La quatrième question que l'on va voir est quelles sont les différences entre l'association majeure et l'association mineure. Les savants, rahimahumullahu ta'ala, ont mentionné nombre de différences entre l'association majeure et l'association mineure. Parmi ces différences, il y a premièrement le fait que l'association majeure fait sortir son auteur de l'islam. Celui qui fait de l'association majeure, il sort de l'islam, comme celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, qui sacrifie pour autre qu'Allah, qui place sa confiance en autre qu'Allah, ou autre forme d'association majeure. Celui qui se rend coupable de cela, il sort de l'islam. Alors que l'association mineure, elle ne fait pas sortir son auteur de l'islam. La deuxième différence, c'est que l'association majeure, elle annule l'ensemble des œuvres. Celui qui commet du shirk akbar, qui fait un sacrifice pour les morts, qui se prosterne pour une idole, ou autre forme d'association majeure, alors l'ensemble de ses œuvres sont annulées, aussi nombreuses soient-elles. Et rien ne lui profitera de ses œuvres jusqu'à ce qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala de cette association majeure. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « La in asharakta la yahbatanna amaluk. » Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines, l'ensemble de tes œuvres. Ceci concerne donc l'association majeure. Quant à l'association mineure, elle n'annule que l'œuvre dans laquelle elle s'est produite, comme on vient de le mentionner. La troisième différence, c'est que l'auteur de l'association majeure y perd la sacralité de ses biens et de son sang. Ce qui n'est pas le cas pour l'auteur de l'association mineure, car il reste musulman. Quatrièmement, celui qui meurt sur l'association majeure, sans s'être repenti, alors il demeurera éternellement en enfer, alors que l'auteur de l'association mineure, il ne demeure pas éternellement en enfer. Même s'il meurt sur celle-ci, sa destination finale sera le paradis, car il est mouahid, car il est monothéiste. Cinquièmement, parmi les différences que les savants ont mentionnées entre l'association majeure et l'association mineure, il y a le fait que l'association majeure, elle n'est pardonnée par Allah que suite au repentir avant la mort. Donc si la personne meurt sans s'en repentir, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne la pardonne pas, et ce en aucun cas. Alors que l'association mineure, selon l'avis de certains savants, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il châtie son auteur, et si Allah veut, il pardonne à son auteur. Et ceci est donc un des avis des gens de science sur cette question, comme on va le voir à travers le verset, insha'Allahu ta'ala. L'auteur, rahimahullah, après cela, il a mentionné deux versets prouvant que le shirk annule l'islam. Le premier verset, c'est le verset 28 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ce verset, il nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk à celui qui meurt sur celui-ci. Mais la question qui se pose ici, et à laquelle on vient de faire allusion, et est-ce que ceci est général et englobe aussi bien l'association majeure que l'association mineure? Ou bien, cela est-il spécifique à l'association majeure? Les deux avis sont présents chez les gens de science. Certains parmi eux ont dit que le verset est général. Dans ce cas, cela signifie que celui qui meurt sur l'association mineure, sans s'en être repenti, alors il sera inévitablement châtié pour celle-ci. Cependant, il ne demeurera pas éternellement en enfer, contrairement à l'auteur de l'association majeure. Mais il sera châtié à hauteur de l'association mineure qu'il a commis, puis il entrera au paradis. D'autres savants ont dit que ce verset est spécifique à l'association majeure, et que celui qui meurt sur de l'association mineure sans s'en repentir, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans la suite du verset. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, si Allah veut, il lui pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera. Il est donc sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc deux avis qui sont mentionnés par les savants des gens de la sunna. Mais le plus important à retenir pour nous, c'est la dangerosité du shirk, qu'il soit majeur ou mineur. Et que ceci est le plus grave des péchés, desquels le musulman doit tout faire pour s'écarter. Dans la deuxième partie du verset, « وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Il y a la promesse pour celui qui n'est ni polythéiste, ni mécréant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera s'il veut. C'est-à-dire que l'auteur de ce qui est moindre que l'association est la mécréance. Alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est le cas de l'auteur des grands péchés, comme le voleur, le consommateur d'alcool, celui qui est malfaisant envers ses parents, et autres parmi les grands péchés. La croyance des gens de la sunna est que celui qui meurt, alors qu'il persistait sur un ou plusieurs grands péchés, moindres que la mécréance et le polythéisme, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prouve ce verset, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ce verset donc, c'est une réfutation des Khawarij et des Mu'tazila. En effet, les Khawarij, ils disent que celui qui commet un grand péché comme le vol, par exemple, alors il sort de l'islam. C'est un mécréant. Il demeurera éternellement en enfer. Et les Mu'tazila, ils sont d'accord avec eux quant au fait qu'il demeurera éternellement en enfer dans l'au-delà. Mais ici-bas, ils disent, il n'est ni mécréant, ni musulman. Et il n'y a pas de doute que ceci est une croyance fausse et erronée qui est venue réfuter ce verset. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit très clairement dans ce verset, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut, quel que soit le péché commis par la personne, quelle que soit la gravité de son péché, à partir du moment où il est moindre que le shirk, moindre que l'association, et moindre que le kufr, la mécréance, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un croyant. Et nous ne disons pas, comme le disent certaines personnes, influencées par l'idéologie des Khawarij, s'il était musulman, il ne mentirait pas. S'il était musulman, il ne volerait pas. Il a volé, donc il est sorti de l'islam. Comme cela est répandu malheureusement chez nombre de personnes parmi les gens du commun. Et ceci nous montre l'importance d'apprendre la croyance authentique, mais aussi les croyances déviées parmi les croyances des gens de l'innovation, et ce afin de s'en écarter. En effet, si tu demandes à n'importe quelle personne parmi les gens de la masse, que penses-tu des Khawarij? Que penses-tu de Daesh? Que penses-tu d'Al-Qaïda? Ou autre groupe parmi les groupes des Khawarij contemporains? Il n'y a pas de doute qu'il va te dire, ce sont des égarés. Ils ne sont pas sur la voie droite. Cependant, nombre de personnes sont influencées par leurs idéologies sans s'en rendre compte. Ils rendent mécréant l'auteur des grands péchés. Ils rendent mécréant celui qui boit de l'alcool. Ils rendent mécréant le voleur pour des choses moindres que le shirk et moindres que la mécréance. Également, tu les verras taxer de mécréance les gouverneurs des pays musulmans ou autres choses qui font partie de l'idéologie des Khawarij. C'est pour cela qu'il est important pour les gens de la vérité de propager et d'enseigner la croyance authentique et également de mettre en garde contre les croyances déviées afin que les gens puissent s'en écarter. À travers cela, on voit que les gens de la sunna, ce sont les gens les plus éloignés du takfir et les plus prudents au sujet du takfir, car ils veillent sur la sacralité du sang des musulmans, la sacralité des biens des musulmans et la sacralité de l'honneur des musulmans. Et les gens de la sunna, ils ne taxent de mécréance que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont jugé comme tel. En dehors de cela, ils s'abstiennent et ceci est la voie du juste milieu, la voie des gens de la sunna et du groupe. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 72 de Sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innahu man yushrik billah » فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, point de secoureur. Quiconque associe à Allah, c'est-à-dire qu'il adore avec Allah autre que lui, qu'il sacrifie pour autre qu'Allah, qu'il se prosterne pour autre qu'Allah, qu'il voue peur et espoir à autre qu'Allah, qu'il place sa confiance en autre qu'Allah ou autre forme d'adoration qu'il voue à autre qu'Allah, alors celui-ci a donné des associés à Allah. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Car le paradis, il est réservé à qui? Il est réservé aux croyants, aux monothéistes, ceux qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Il rapporte dans son recueil authentique, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Certes, nul n'entre au paradis en dehors d'une âme muslima, en dehors d'une âme musulmane, et dans une autre version du hadith, en dehors d'une âme mu'mina, en dehors d'une âme croyante. » Le paradis donc, c'est la demeure des pieux, c'est la demeure des musulmans, c'est la demeure des monothéistes, la demeure des croyants. Et il est interdit aux polythéistes, il est interdit aux mécréants, il est interdit à ceux qui sont morts en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah de nous préserver. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Son refuge sera le feu de l'enfer. Car en ce jour, il n'y aura que deux destinations. Il n'y en a pas de troisième. Un groupe ira au paradis et un groupe ira dans la fournaise. Donc celui à qui le paradis est interdit, son refuge sera le feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et pour les injustes, point de secoureur. C'est-à-dire que personne ne pourra les secourir en ce jour. Personne ne pourra les sauver du châtiment dans lequel ils se trouvent, car ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, le Cheikh rahimahullah, il a mentionné un exemple d'association à Allah. Et il a dit وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ. On compte parmi cela le sacrifice pour autre qu'Allah, comme ceux qui sacrifient pour les djinns ou les tombes. Les formes de shirk, elles sont nombreuses. Mais le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a sûrement donné cet exemple, car c'est une forme d'association qui est commise par nombre de personnes s'affiliant à l'islam. Ils sacrifient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sacrifient par peur des djinns, comme lorsqu'ils rentrent dans une nouvelle maison. Il vient d'habiter dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'il fait? Pour se préserver du mal des djinns, il sacrifie une poule sur le pas de la porte. Et ceci est du shirk. Ceci est de l'association majeure qui fait sortir de l'islam. D'autres sacrifient pour les morts. Ils sacrifient devant les tombes, espérant ainsi que le mort réponde à leurs demandes et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une forme de shirk qui est très souvent commise. Et le sacrifice, il se divise en différentes catégories. On en a vu certaines dans l'ordre de notre étude des trois fondements. Et il n'y a pas de mal à revoir cela ici, inshallah ta'ala. Donc de manière générale, nous dirons que le sacrifice se divise en deux catégories. Un sacrifice usuel et un sacrifice cultuel, d'adoration. Le sacrifice usuel, c'est celui qui ne comporte ni péché, ni récompense en soi. Car la base, c'est la permission. Mais la récompense ou le péché, elle a lieu en fonction de l'intention qui accompagne le sacrifice. Par exemple, si une personne sacrifie une bête dans le but de se nourrir, alors ceci est permis et il n'a pour cela ni péché ni récompense. Mais si une personne sacrifie une bête, par exemple, dans le but de réjouir sa famille ou dans le but de donner de sa viande en aumône, alors dans ce cas-là, il a pour ce sacrifice une récompense. Un troisième cas, qui est celui qui sacrifie, par exemple, une bête, mais en faisant du gaspillage. Il n'en a pas besoin. Cette viande va être gaspillée. Ou alors il fait cela par orgueil, pour se vanter devant ses voisins, ou pour donner envie aux pauvres. Alors il y a en cela un péché. Le deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice cultuel, le sacrifice d'adoration. Et celui-ci, il se divise en trois sous-catégories. La première, c'est le sacrifice shar'i, le sacrifice légiféré. Celui qui est accompli pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lors de la fête du sacrifice, le pèlerin lors du pèlerinage, l'aqiqa lors de la naissance d'un enfant, ou autre forme de sacrifice légiféré. Le deuxième type de sacrifice cultuel, c'est le sacrifice innové. Comme celui qui est accompli devant les tombes pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne, elle sacrifie auprès de cette tombe, mais non pas pour le mort. Elle sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle va donner la viande en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'innovation, elle vient ici de quoi? Elle vient du choix du lieu. Il a choisi de faire ce sacrifice au serait de cette tombe, en pensant qu'il y a un mérite particulier à l'accomplir en cet endroit. Et ceci est une forme de sacrifice qui est innovée et que certains savants considèrent que ceci est une forme d'association mineure, car elle conduit à l'association majeure. Le troisième type donc de sacrifice cultuel, c'est le sacrifice shirki, celui qui est fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a mentionné l'auteur, pour les djinns, pour une tombe, pour les morts, pour un sorcier, pour un charlatan, ou autre forme de sacrifice qui sont voués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, il fait sortir son auteur de l'islam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Enfin, pour terminer cette assise, j'aimerais me rappeler, ainsi qu'à vous, l'importance d'avoir peur de tomber dans l'association et de ne pas négliger cette question. En effet, le fait que la personne n'ait pas peur de tomber dans le shirk, alors ceci est une preuve de la faiblesse de sa compréhension du tawhid et de la faiblesse de sa foi. Et la preuve de cela, c'est ce qu'on a mentionné la semaine dernière. Le fait qu'Ibrahim alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le préserve de l'adoration des idoles. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à son sujet, lorsque Ibrahim alayhi salam a dit « وَجُنُبَنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ » et préserve-moi ainsi que ma descendance que l'on adore les idoles. Le Cheikh Sulayman ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, il a dit « Si Ibrahim alayhi salam demande à Allah de l'écarter et d'écarter ses enfants de l'adoration des idoles, alors que dire d'autre que lui ?» Comme Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala a dit, qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Ceci donc impose au cœur vivant d'avoir peur du polythéisme, d'avoir peur du shirk, non pas comme le disent nombre d'ignorants, le shirk, l'association, n'a pas lieu dans cette communauté. De ce fait, ils se sont sentis à l'abri du shirk, ils se sont sentis à l'abri de l'association, et ils sont tombés dedans. Fin de citation de la parole du Cheikh Sulayman ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, qui est le petit-fils de l'auteur de ce livre. Le musulman, donc, il doit avoir une grande peur du shirk. Il doit avoir peur de tomber dans ce péché immense qui annule l'ensemble des œuvres, qui lui interdit l'entrée au paradis et qui le fera demeurer éternellement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il faut que tu sois conscient que celui qui commet du shirk, celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, aucune de ses œuvres ne lui sera profitable. Même s'il passe ses nuits en prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il jeûne chaque jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il donne l'ensemble de ses biens en aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble de ses œuvres sont vaines. Et il demeurera éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Alors que le muwahhid, celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui en parallèle de cela, a certains manquements, commet certains péchés petits et grands, alors on espère pour lui le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa demeure finale sera le paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important de se rappeler de cela, d'avoir constamment cela en tête et d'apprendre qu'est-ce que le shirk, d'apprendre les différentes formes de shirk afin de s'en préserver et de ne pas tomber dedans sans le savoir. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا